les préoccupations de mademoiselle Michonneau ne lui permettaient pas d'écouter les phrases tombant une à une de la bouche de Poiré comme les gouttes d'eau qui suintent à travers le robinet d'une fontaine mal fermée. Quand une fois ce vieillard avait commencé la série de ses phrases et que mademoiselle Michonneau n'arrêtait pas, il parlait toujours, à l'instar d'une mécanique montée. Après avoir entamé un premier sujet, il était conduit par ses parenthèses à en traiter de tout opposé, sans avoir rien conclu. En arrivant à la maison Vauquer, il s'était faufilé dans une suite de passages et de citations transitoires qui l'avaient amené à raconter sa déposition dans l'affaire du sieur Ragoulot et de la dame Morin, affaire criminelle célèbre en 1812 où il avait comparu en qualité de témoin à décharge. En entrant, sa compagne ne manqua pas d'apercevoir Eugène de Rastignac engagé avec mademoiselle Taillefer dans une intime causerie dont l'intérêt était si palpitant que le couple ne fit aucune attention au passage des deux vieux pensionnaires quand ils traversèrent la salle à manger. « Ça devait finir par là, » dit mademoiselle Michonneau à Poiré. « Il se faisait des yeux à s'arracher l'âme depuis 8 jours. »« Oui, » répondit-il. « Aussi fut-elle condamnée. »« Qui ?»« Madame Morin. » »« Je vous parle de mademoiselle Victorine, » dit la Michonneau en entrant sans y faire attention dans la chambre de Poiré. « Et vous me répondez par madame Morin. Qu'est-ce que c'est que cette femme-là ? » De quoi serait donc coupable mademoiselle Victorine ? Demanda Poiré. Elle est coupable d'aimer monsieur Eugène de Rastignac et va de l'avant sans savoir où cela mènera, pauvre innocente.